إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيدة، شرح العقيدة الواسطية بإذن عز وجل. Nous sommes le 12 du Qa'd, ce qui correspond 39 بإذن عز وجل. Nous sommes تعالى toujours avec العقيدة الواسطية. Cette fois بإذن عز وجل sommes au 46e cours du Dhuhr. Il a dit, et ils font devancer la parole d'Allah Azza wa Jal sur la parole de tous les autres gens. وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ. Et ils font devancer aussi la sunna, le chemin, le sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur tout autre sentier, sur tout autre chemin, sur tout autre tradition. On avait donné un exemple que, par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit que Idris était venu, le prophète Idris alayhi salam était venu après Nuh, il n'est plus possible que quelqu'un dise par exemple que Idris soit venu avant Nuh. Par exemple, c'est un exemple. Quant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, s'il dit une chose, il est impossible que quelqu'un dise le contraire et qu'on accepte ce contraire. Bien sûr, à condition que ce qu'a dit Allah, azza wa jal, à condition que ce soit vraiment le sens du verset, le sens voulu du verset. Et à condition que ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit par exemple un hadith authentique et un hadith qui ne soit pas par exemple abrogé. Si on va donner, on a donné beaucoup d'exemples la fois passée. Maintenant, si on va donner un exemple sur ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'on poudre et qu'il ne faut pas par exemple qu'il ne faut pas faire reculer, mais qu'il faut toujours devancer sur les paroles des autres. On va dire par exemple, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que par exemple la fin du monde serait un vendredi. Est-ce que maintenant, si jamais un grand physicien par exemple, ou là, un grand astrologue ou là, un grand mathématicien va venir et dire j'ai fait tous les calculs les plus exacts, etc. et je trouve que la fin du monde sera par exemple un dimanche. Est-ce qu'on va croire le grand physicien, le grand savant, le génie, ou bien on va croire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que ce sera un vendredi? Donc, al-sunnah al-jama'a vont croire ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et vont devancer sa parole sur la parole de quiconque des autres gens. Ensuite, Cheikh Islam al-Rahmatullah a dit wa lihada summu ahl al-kitab wa sunnah. Il a dit d'où leur désignation par les gens du livre. Al-Kitab, c'est-à-dire le Coran. Al-Kitab, et de la Sunna, la tradition. Au Summu Al-Jama'a, ils ont aussi été appelés les gens du consensus, Al-Jama'a. لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة. Il a dit, car le consensus, Al-Jama'a, revient à se réunir. Et son antonyme, son contraire, c'est quoi? C'est la division, le furqa. On avait dit ici, on avait expliqué un peu, on a dit que pour savoir si tu es de Ahl Sunnah ou le Jama'a, naam, il faudrait que non seulement naam, tu prennes du Coran et de la Sunnah, mais encore que tu suives naam, le Jama'a. Le Jama'a, c'est qui rentre d'abord et premièrement dans la Jama'a, rentre les Sahaba. Est-ce qu'il y a une communauté naam, est-ce que la vraie communauté peut être une communauté s'il ne rentre pas yani, les compagnons à l'intérieur cette communauté? Non. On avait dit aussi, si vous vous rappelez, que quand on parle de Jama'a, les savants veulent dire d'abord la communauté, comme on a dit, et veulent dire aussi veulent dire le gouverneur musulman. Non. Ils se réunissent autour de lui, pourvu que il ne soit pas kafir, même si c'est le plus pervers du monde. Et il boit l'alcool jour et nuit. Et il a volé tous les biens du peuple. Tant qu'il est toujours musulman, hein, on doit yani, se réunir auprès de lui. Et ce qui sera, inchallah, le prochain dars bilna, contrairement à qui? Contrairement aux sectes égarées. Hein, comme le Mu'tazila qui dit, il faut lui faire la guerre. Et avant eux, bien sûr, comme le Khawarij, les Takfiriyoun, qui disent, yani, il faut lui faire la guerre. Naam. Ensuite, il a dit, et bien sûr, ce qui a rapport avec le gouverneur et la réunion autour du gouverneur, etc., ça sera un dors ou plus. Naam, car c'est très, très important. Très, très important. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens, yani, qui se proclament des salafs, mais qui, en fait, yani, ne le sont pas vraiment. Car il se dit des salafs, mais yani, ou bien il critique le gouverneur, ou bien il exhorte contre lui, ou bien il veut se rebeller contre lui, et tout ça, bien sûr, avec salaf. Ça n'a rien à voir avec salaf, radiallahu ta'ala anhu. Tant que, comme j'ai dit, le gouverneur n'est pas devenu qui un kafir. Et encore, si on supposait que le gouverneur soit devenu un kafir. Supposons, hein, on va prendre l'exemple d'Algérie. Par exemple, Bouteflika va venir, yani est venu, par exemple, il est venu hier à la télé. Il a dit, je ne crois pas au Coran. Le Coran a été écrit par une personne. Supposons, astaghfirullah. Supposons qu'il dise cette chose. Est-ce que ça veut dire que automatiquement, yani, je dois me rébeller contre lui? Abadan. Ça veut dire seulement qu'il m'est permis là, de me rébeller. Il m'est permis, mais il ne m'est pas obligé. Il y a une grande différence. Tekfir, non. Tekfirion Khawaj, non. Il te dit, là, s'il a dit ça, puisqu'il est kafir, allez, on va prendre des bombes et on va construire des couteaux et on va faire la guerre. Un sunna dit non. Il dit non. Des fois, se rébeller contre un kafir va yani, ramener des problèmes et des fitna aider, yani que si on s'était pas rébellé, ça aurait été mieux. Des fois, les fitna, les problèmes, les meurtres, les assassinats, les viols, les holocaustes, ce qui arrive en se rébellant, nan, sont beaucoup plus graves que les fitna que fait le gouverneur s'il est kafir. Mais, Ahlou Takfir, les Khawarij, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas plus loin. Ils disent, les kafirs, moi je m'en fous. Même si yani, il ne resterait aucune personne sur cette terre, ni un arbre, ni un chat qui rôde. Mouhim, yani, je l'enlève. Mais un sunna dit non. On l'enlèvera quand les moyens. Quand on saura qu'on peut l'enlever. Enfin, mouhim, ça viendra, inshallah, dans les cours. Ça viendra, et très prochainement, inshallah ta'ala, vu que beaucoup, yani, beaucoup de nouveaux et de nouvelles, يعني ne connaissent pas bien le minhaj, ne connaissent pas bien le minhaj. المهم ensuite شيخ الإسلام على رحمة الله دي والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. Il a dit que le consensus, l'ijma, constitue le troisième fondement sur lequel s'appuie la science et la religion. نعم. Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer. Il dit, Donc, dans la religion, nous avons trois grands fondements, trois grands, si je puis dire, yani base, pilier. Notre islam s'appuie sur quoi? Si quelqu'un va dire, yani, sur quoi ça s'appuie l'islam? Yani, quand tu veux me donner les preuves que telle chose, que l'alcool est illicite, est haram, telle preuve que le hajj est obligatoire. En islam, on s'appuie sur quoi? Il a dit trois grands fondements. Premier fondement sur lequel le fondement sur laquelle, lequel on va s'appuyer, c'est qui? C'est le Coran. Et le deuxième, Moussani, le Sunna. Et le troisième, c'est qui? C'est l'ijma, le consensus. C'est pour ça, il a dit, Walihada yusammauna ahl al-kitab wa sunna al-jama'a. C'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre, Coran, de la Sunna. Sunna, la tradition, ou le jama'a, l'ijma, le consensus. Non. Bien sûr, quand je dis Coran et Sunna, yani Coran et Sunna, compris comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs, pas comme l'ont compris les Mu'tazilites, les Jahmites, les Khawarij, les Takfir, non, comme l'ont compris qui? Les pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum. Il a dit, فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ. Il a dit, voilà trois fondements sur lesquels on s'appuie dans la science et dans la religion. Wahiya, al-kitab, le livre, le Coran, le sunna, la tradition, al-ijma, le consensus. Amma al-kitab ou sunna. Quant au Coran et la sunna, fa aslan datiyan, ce sont deux fondements, yani, basés sur eux-mêmes. Basés sur eux-mêmes. Wa amma al-ijma, quant au consensus, le troisième fondement, fa aslun mabniyun ala ghayrihi. C'est un fondement qui est basé sur yani autrui, n'est pas basé sur lui-même. Id la ijma'a illa bi kitabin aw sunnah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ijma', il n'y a pas de consensus s'il n'y a pas le Coran ou la sunnah. Un ijma', il veut dire un ijma', un consensus, yani qui n'est pas basé sur le Coran, qui n'est pas basé sur un hadith, ce n'est pas un ijma', ce n'est pas un consensus. Quant au Coran et la Sunna, ils sont basés sur eux-mêmes. Si quelqu'un te lui dit quelle est la preuve que, par exemple, yani, le voleur, on va lui couper la main s'il vole plus d'un quart de dinar en or. On va lui citer le verset. Sariqatu faqta'u. Allah dit le voleur et la voleuse, coupez-leur leurs mains. Il va pas dire, yani, d'où tu as, yani, quelle est la preuve de ce verset? C'est un verset, khlas, en lui-même il suffit. C'est la parole d'Allah Azzawajal. La même chose pour le hadith. Si quelqu'un demande une chose, tu lui dis parce qu'il y a tel hadith, il est authentique, khlas. Mais l'ijma' non. Si quelqu'un va dire il y a un consensus, il y a un ijma' que telle chose est haram. Il y a un ijma' par exemple que telle chose, que par exemple la femme ne peut pas se marier, par exemple, une femme ne peut pas se marier, par exemple, avec son oncle. On va dire, il y a un ijma. On va lui dire, mais sur quoi est basé cet ijma? Il va dire, parce qu'il y a un verset. C'est basé sur un verset. Ou bien, c'est basé sur un hadith. Donc, vous voyez la différence entre le Coran et la Sunna, d'un côté, et l'ijma, le consensus, de l'autre côté. Il a dit, Amma kawnu al-kitab wa sunnati aslan yurja'u ilayhi, fa adillatu kathira. Il a dit, on va donner les preuves que la Sunna se suffit à eux-mêmes, pas comme l'ijma. Le Coran et la Sunna se suffisent à eux-mêmes. Il a cité le verset où Allah Ta'ala a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. An-Nisa 59. Allah Ta'ala a dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Non. Allah Ta'ala t'a demandé, si tu t'es disputé avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous dites? Et on va voir l'avocat, et on va voir le médecin, et on va voir le boucher. Qui on va voir? On va voir alors ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son messager. Ce qu'a dit Allah. On va voir ce qu'a dit son messager, on va voir s'il y a un hadith. S'il y a un Coran maintenant, il y a un verset. On va voir c'est quoi son explication. On ne va pas l'expliquer de notre tête, ni un takfiri ou la khariji va nous expliquer le Coran. On va voir les pieux prédécesseurs, les salafs, comment expliquer ce verset. S'il y a un hadith, on va voir d'abord s'il est authentique. Il se peut qu'il ne soit pas authentique. Et deuxièmement, on va voir comme l'ont expliqué Salaf Salah radiallahu ta'ala anhum. Le deuxième verset qui prouve que yani, le Coran et la Sunna se suffisent à eux-mêmes. Allah ta'ala dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Maïda 92. Et obéissez à Allah et obéissez à son prophète, à son messager. Troisième verset. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Al-Hashr 7. Et ce que le messager vous a ordonné, faites-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et enfin, Allah Ta'ala a dit مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ Nisa 80. Quiconque a obéi au messager, il a obéi à Allah. Quiconque a obéi au messager, a obéi à Allah Azza wa Jalla. Donc, conclusion, من أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا. Très important, qu'a dit le Cheikh Larmou, il a dit, quiconque renie que la sunna yani, est une preuve qui se suffit à elle-même, donc il a renié quoi? Que le Coran est une preuve qui se suffit à elle-même aussi. نعم. ولا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إلى في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب ومنكر القرآن فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليها. Il a dit quiconque, quiconque, écoutez bien ce qu'il dit, quiconque va dire que la sunna du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, نعم, يعني elle n'est pas obligatoire à prendre en ce qui concerne les jugements de la charia. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'une chose en islam, naam, je reviens seulement au Coran. Je ne reviens pas à la sunna. Ce n'est pas obligé que je prenne de la sunna. Il a dit, celui-là, quiconque dit comme ça, il est devenu kafir. C'est-à-dire, de son vivant, qu'est-ce qu'il avait ? Celui-là, yani, s'il y a la sharia, bien sûr, on va lui demander de faire la tauba, sinon il meurt. S'il n'y a pas la sharia, qu'est-ce qu'on fait? On ne le marie pas avec une musulmane, hein, et s'il meurt, on ne l'hérite pas. S'il son fils meurt, lui, il n'hérite pas son fils. Et comme ça. Quant à, s'il meurt, c'est l'enfer éternellement. Pourquoi? Parce que il a renié la sunna. Il a dit, je prends seulement dans le, ce qu'il y a dans le Coran. Et ce qui prouve que ce qu'il dit n'est pas vrai, et que c'est un menteur, et ce qu'il dit, c'est contradictoire, c'est quoi? C'est que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, « Ati'u Allah wa ati'u Rasul ». Il a dit, « Obéissez à Allah et obéissez à qui? Au messager d'Allah. » Donc toi tu dis que tu ne crois qu'au Coran. C'est le Coran qui te dit, « Obéis à Allah, obéis à son messager. » Pourquoi tu n'obéis pas au messager d'Allah? Donc, ça prouve quoi? Que même le Coran, il ne le suit pas. Cette personne, même le Coran, il ne le suit pas. Et vous savez, pas la peine de vous le dire, que de nos jours, maintenant je suis en train de vous parler, hein, il y a une secte, et une grande secte, hein, qui s'appelle le Coraniyoun, les Coraniques, et qui disent qu'il n'y a pas de sunna. Ils disent qu'il y a seulement le Coran. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah minum. Non. Quant à, maintenant, quel est le dalil que, yani, le consensus, l'ijma, c'est aussi un fondement. On a dit en islam, il y a trois grands fondements. Il y en a quatre. Aujourd'hui, on va parler des trois grands. C'est qui? C'est le Coran, la sunna et l'ijma. Ijma, le consensus, l'unanimité. Il a dit, quel est le dalil que l'unanimité, le consensus, est aussi, yani, un fondement auquel, vers lequel on doit revenir. Il a dit, d'abord, avant cela, est-ce que l'ijma, le consensus, existe ou bien il n'existe pas? Est-ce qu'il y a des consensus sur telle et telle chose? Par exemple, quel est haram, quel est halal, quel est makruh? Est-ce qu'il y a déjà des consensus ou là, il n'y en a pas? Certains savants ont dit, la ijma moujoud, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas, certains savants. Illa ala ma fihi nas. Sauf s'il y a un texte scriptuaire, sauf s'il y a un verset ou bien un hadith. Ils ont dit, s'il n'y a ni verset ni hadith, il est impossible que le consensus existe. Et maintenant, si vous reconnaissez que il y a, pardon, si vous reconnaissez que pour qu'il y ait un consensus, il faut un délil du Coran de la Sunna, ils ont dit, dans ce cas, pourquoi prendre du consensus? Je prends directement le verset qu'il y a, ou bien le hadith qu'il y a. Vous comprenez? Pour que vous compreniez bien, je dis, si par exemple on va dire qu'il y a un consensus qu'une femme ne peut pas se marier avec son oncle, on va dire à cette personne où est, yani sur quoi s'est basé ce consensus, ijma. Il va dire il y a un verset. Un verset qui dit que, etc., et qu'on ne peut pas se marier avec son oncle. On va lui dire, donc dans ce cas, je me suis fié au verset. Qu'est-ce que moi je vais faire du consensus? Il y a un verset, je me suis fié à lui. Et si vous me dites, il y a un hadith sur lequel s'est basé le consensus, donc je vais dire, je me suis fié au hadith. Pourquoi je prends avec le consensus? Il a dit, fait maintenant. Le Cheikh Lahmou va donner des exemples. Si quelqu'un va dire, si quelqu'un va dire, les savants sont unanimes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un consensus, que les salats obligatoires sont du nombre de 5. Hein, il a dit, ça c'est vrai. Lakin, thubutu fardiyatiha bin nas. Il a dit, mais cette chose, ce consensus, c'est basé sur quoi? C'est basé par exemple sur des hadiths. Non, il n'y a que 5 prières. Il n'y a que 5 prières. Il a dit. Ensuite, s'ils vont dire que il y a un consensus que la fornication est interdite. On dit ça, c'est vrai. Mais, le fait que la fornication soit interdite, il y a un verset. Et bien sûr, et des hadiths aussi. Donc moi, pourquoi je vais prendre du consensus? Puisqu'il y a le verset et il y a des hadiths. Non. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. C'est pour ça que l'imam Ahmed, عليه رحمة الله, a dit مَنْ اِدَّعَ الْإِجْمَعَ فَقَدْ كَذَبْ فَهُوَ كَذِبْ. Quiconque prétend qu'il y a consensus, il a menti. وَمَا يُدْرِهِ لَعْلَمْ اخْتَلَفُ. Et qui sait? Peut-être que ils se sont quoi? Peut-être qu'ils ont divergé. Imam Ahmed dit, quand quelqu'un va nous dire qu'il y a un consensus, on va lui dire, quelle est la preuve? Comment es-tu sûr qu'ils se sont tous rencontrés, les savants, et ils ont été unanimes à dire que telle chose, par exemple, est haram? Peut-être qu'ils n'ont pas pu se réunir, surtout yani, dans les premiers temps. Les premiers temps, se réunir, yani, c'est pas comme maintenant, on se réunit direct par Internet ou là. Il se trouve en Irak, l'autre il se trouve je ne sais pas où, comment ils vont se réunir. Ensuite, quand ils se sont réunis, qui t'a dit qu'ils ont été unanimes? Peut-être que quelqu'un n'a pas été d'accord. Donc, Imam Ahmed dit, quiconque dit qu'il y a un consensus, il a dit, celui-là, il ment. Non, qui prouve qu'ils n'ont pas divergé. Al-Muhim. الشيخ الله يرحمه دي شيخ ابن عثيمين والمعروف عند عامة العلماء إن الإجماع موجود. Et le plus connu chez la plupart des savants c'est quoi? C'est que le consensus existe. وأن كونه دليل ثابت في القرآن والسنة. Et que le consensus, يعني la preuve qu'il existe, c'est que يعني ça a été mentionné dans le Coran et de la Sunna. On va citer un ou deux versets du Coran, non, et un hadith qui prouve que le consensus existe. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اللَّهُ الرَّسُولِ. Allah Ta'ala dit, si vous disputez en une chose, alors rendez-la Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète, non. Il a dit, يَدُّلْ إِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ يَدُّلْ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعْنَا عَلَيْهِ لَا يَجِبُ رَدُّهُ. Et le kitab ou sunna, il donne le kitab al-ijma. Non. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque Allah Ta'ala a dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et son messager. Cela veut dire, par sens opposé, que si on ne se dispute pas sur une chose, ce n'est pas la peine de le renvoyer à Allah et à son prophète. On ne s'est pas disputé. Ça veut dire donc, on n'a pas divergé. Ça veut dire donc, on a convergé. Ça veut dire donc, il y a eu consensus. Vous voyez comment yani, les ulama yani, font sortir les délits. Non. Le deuxième verset. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. النساء 115. Écoutez bien ce qu'a dit Allah Ta'ala. Et quiconque fait scission d'avec le messager, il fait scission avec lui, subhanallah, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre sentier que celui des croyants, alors nous le délaisserons, yani dans l'au-delà, au destin qui s'est choisi lui-même, et nous le brûlerons dans un feu vif, un feu ardent. Donc, où est ici le témoin? Le témoin que le consensus existe. Écoutez bien ce qu'il a dit. Le châtiment, c'est quoi? C'est dans l'au-delà, nous le délaisserons avec ce qu'il a choisi, dans cette dunya comme destin, comme sentier, etc. Et nous le brûlerons dans un enfer vif et éternel. C'est quoi? C'est le châtiment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans cette dunya? Écoutez ce qu'il a fait. Il a fait scission avec le messager d'Allah. Le messager d'Allah dit blanc, lui il dit noir. Le messager d'Allah dit sunna, l'autre il dit bida. Le messager d'Allah dit, par exemple, c'est en haut, l'autre il dit c'est en bas. Il a fait scission avec le messager d'Allah. Après, bien sûr, que le chemin lui est apparu. Il est possible que quelqu'un, le chemin ne lui apparaisse pas. C'est un djel, qu'on n'ait pas l'idée libre. Il dit comme ça de sa tête. Celui-là, yani, même s'il a fait scission, mais il n'a pas les péchés de celui de quelqu'un qui sait qui ne, et qui fait scission. Non? Mais écoutez ce qu'il a dit encore. Il a dit, essuie, voilà le témoin du Dars, essuie un autre sentier que celui des croyants. C'est-à-dire, les croyants ont fait un consensus sur une chose, comme quoi elle est, par exemple, blanche, et toi, tu es venu dire qu'elle est noire. Donc, tu n'as pas suivi qui? Tu n'as pas suivi non, les croyants. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que yani, c'est un délil que l'ijma existe, que le consensus existe. Parce que, pour le châtiment ici, il ne s'est pas suffi au fait qu'il ait fait scission avec le messager d'Allah. Non. Mais il a ajouté parce qu'il a suivi un sentier que celui des croyants. Il a suivi yani, un autre sentier que celui des croyants. Ça veut dire que les croyants ont fait un ijma, ont fait un consensus sur une chose et toi, tu ne les as pas suivis. Et enfin, si on veut citer par exemple le hadith ou le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna Allah la yujmi'u ummati ala dalala. Allah Ta'ala ne va pas réunir ma communauté sur un égarement. Hadith numéro 1848, Sahih al-Jami'. Qu'a dit le messager d'Allah? C'est un début du hadith, hein? Il est encore long. Il a dit Inna Allah, Allah Azza wa Jal, la yajma'u ummati ala dalala. Le messager d'Allah a dit que Allah Ta'ala ne va pas grouper ou la réunir qui ma nation sur un égarement. Donc c'est un délit que yani, le consensus existe. Non. Il a dit فجمهور الأمة جمهور الأمة على أن الإجماع دليل المستقل. La plupart de la Umma disent que l'Ijma, c'est un délit. C'est un délit مستقل. مستقل, séparé. Non. وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بالإجماع. Et si on trouve quelque chose dans le din qui repose sur un consensus, non, on doit prendre avec cette chose. Non. Comme ça, il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, c'est l'avis de Al-Sunna al-Jama'a. Ils disent que l'Ijma, le consensus, existe, et que quoi? Et que si quelque chose repose sur un Ijma, un consensus, on doit l'apprendre. Hein, même si on ne connaît pas, yani, quel est son délit. Mais il faut qu'on soit sûr, quoi? Que le consensus vraiment a existé en cette chose. Il faut qu'on soit sûr. C'est pour ça, vous allez voir ce qu'il va dire ici à la fin, une chose très importante qu'il a dit. Anna al-sunna wal-jama'a يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول وعمل. Écoutez ce que dit Cheikh Ibn Taymiyyah, ensuite va l'expliquer Cheikh Ibn Uthaymeen. C'est-à-dire, et c'est en se basant sur ces trois fondements, le Coran, la Sunna et le consensus, que les gens de la tradition et du consensus, al-Sunna ou Jama'a, jugent les paroles et les actes des gens intérieurs et extérieurs, en ce qui a rapport avec la religion. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. Enfin, voilà ce que, يعني, ce que je veux, Inch'Allah Ta'ala, يعني, m'appuyer aujourd'hui. C'est la dernière phrase qui est très importante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens de la Sunna et du consensus, Sunna al-Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent que le consensus, l'ijma, est un troisième fondement. Après, le kitab, le livre, la Sunna du messager d'Allah, vient le troisième fondement qui est le consensus. Il a dit, mais à condition que ce soit le consensus des premiers temps. Le consensus des trois premières. Donc on appelle ça les trois premiers siècles. Pourquoi? Car les trois premiers siècles, les gens du trois premiers siècles ont une tazkiya. Les sahaba, leurs enfants et leurs enfants. Ils ont une tazkiya, comme vous connaissez le hadith sahih. Khair al-nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, ensuite ceux d'après, comme ça a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on doit prendre du consensus, on prendra du consensus des trois premiers siècles. Le consensus qui a eu lieu pendant les trois premiers siècles. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est aussi l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est aussi l'avis de Imam Shawkani. Rahmatullah. Pourquoi? Parce que ces gens-là, d'abord, comme j'ai dit, étaient des grands savants et avaient une tazkiya. Et ensuite, après eux, il y a eu beaucoup de divergences. Et après eux, la Ummah s'est dispersée. Et après eux, beaucoup de bid'ahs sont rentrés dans le din, etc. Mais pendant les trois premiers siècles, Alhamdulillah, yani l'islam était pur. Pur, mashallah, comme de l'eau claire. C'est pour ça que, yani, quand on dit qu'il y a consensus, ijma, il faut être sûr que cet ijma a vraiment existé. C'est pour ça que, par exemple, vous allez trouver que l'imam Ibn Hazm, par exemple, Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle Maratib al-Ijma, qui s'appelle les degrés de l'Ijma, ou bien les rangs de l'Ijma, Maratib. Livre qu'a fait Ibn Hazm, rahimahullah, à l'intérieur de ce livre, quand il l'a écrit, il a commencé par un peu l'aqida, ensuite, il est rentré dans yani, les eaux, ensuite la purification, taymoum, ensuite l'adhan, salat, et ensuite, il a parlé de tout ce qu'il y a dans le din, yani, et à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait dans celui? Il cite les consensus, ijma'at. Il dit par exemple, ajma'u, et il y a un consensus que les prières sont cinq, et il y a un consensus que, par exemple, nafila n'est pas obligatoire. Il y a un consensus que, par exemple, tous les enfants du messager de l'Islam, garçons, yani, n'ont pas survécu. Il y a un consensus que, comme ça. Il a commencé du début jusqu'à la fin. Et celui-là, c'est qui? C'est Ibn Hazm, alayhi rahmatullah. Mais, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, Ibn Hazm, il était dans les 400 et quelques. Imaginez, en 400 et quelques. Ensuite est venu Ibn Taymiyyah après lui, quand il a lu ce livre, il a trouvé qu'il y avait des choses et des points sur lesquels il n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre qui s'appelle Naqd Maratib Ijma, la critique de Maratib Ijma de Ibn Hazm. Et à chaque fois que, bon pas à chaque fois, mais plusieurs fois, où Ibn Hazm dit il y a un consensus sur telle et telle chose, Ibn Taymiyyah le corrige en bas et rectifie. Il dit non, il n'y a pas de consensus sur cette chose. La preuve, Par exemple, Abdullah ibn Abbas a dit que ça se faisait, alors que l'autre, Ibn Hazm, a dit que c'est haram. Non. Si c'est le contraire, par exemple, Ibn Hazm dit il y a un consensus, par exemple, que il est interdit de faire telle chose. Ensuite, Ibn Taymiyyah corrige en bas. Il n'y a pas de consensus ici. Car Abdullah ibn Omar a dit qu'il était permis de faire cette chose. Il l'a faite. Donc vous voyez que, yani, pour dire qu'il y a un consensus, il faut vraiment qu'on soit sûr qu'il y a un consensus. Parce qu'après, pourquoi je dis comme ça après? Beaucoup de gens, yani, ont écrit des livres et des livres sur les consensus, que comme quoi, telle et telle chose, il y a un consensus que c'est haram, il y a un consensus que c'est interdit, il y a un consensus que c'est possible de la faire, alors que ce n'est pas vrai. Le vrai consensus, c'est celui, le consensus des trois premiers siècles, hein, des salaf salih, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, le cheikh, rahmatullah, Ibn Taymiyyah, yani, va passer à quelque chose de très important qu'on laissera, inshallah ta'ala, pour le prochain dars. C'est quoi la chose très importante ici? Il va dire que les gens de Al-Sunnah ou Jama'a, yani, ils font quoi? Ils condamnent le blâmable et ils exhortent le gens au bien. Ce qu'on appelle prescrire le bien et proscrire le mal. Il va donner les six conditions qu'il faut faire ou qu'il faut pour pouvoir prescrire un bien et proscrire un mal. Non. Ces six choses, inshallah ta'ala. Ou la khalli, si vous voulez, on va les faire comme ça, vite, très vite. Hein. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez que tout dernièrement, j'ai fait un dars ou un cours qui s'appelle les règles de la prédication, les règles de la da'wah. Et comment? Hein, comment prescrire le bien et proscrire le mal. Non. Tout ce que j'ai cité là-bas, non, le cheikh l'a cité ici, mais très brièvement. Très brièvement. C'est pour ça que si quelqu'un veut gagner beaucoup plus de détails d'exemples, qu'il revienne alors au cours qui s'appelle les règles de la prédication. Ici, le cheikh dit que un sunnah ou jama'a, non, ils font gagner la prescription du bien et la proscription du mal d'après l'âme, d'après yani, la charia, comme le veut, hein, comme l'ordonne la législation. Cheikh Ibn Rahimahullah dit que, oui, mais pour cela, il faut six conditions. Je vais les citer très vite. Il a dit la première, il a dit, si tu veux prescrire le bien et proscrire le mal, qu'est-ce qu'il faut? Des conditions, car prescrire le bien et proscrire le mal, c'est une adoration. Tu vas pas le faire quand on te donne de l'argent, tu vas le faire pour ravir Allah Azzawajal. Donc c'est une adoration, et donc toute adoration a besoin de science. Tu vas pas faire des choses ta tête, il faut des conditions. C'est pour ça la grande différence entre nous et les takfiriyin. Les takfiriyin disent il y a le djihad, mais sans condition. Tu rentres chez toi, tu prends une casserole. Et tu sors, tu essaies de te battre avec la casserole, tu frappes à la tête le premier, enfin, le premier venu, moi-même tu as fait le djihad. Mais les sunna ou jamaa disent non, il y a des conditions pour le djihad, beaucoup de conditions même. Pourquoi? C'est une adoration. C'est comme si tu veux aller au hajj. Tu ne vas pas aller au hajj et dire moi-même je suis allé, je suis revenu et je fais là-bas ce que je veux. Non, il faut que tu connaisses les conditions du hajj. Al-Muhim. Pour prescrire le bien et prescrire le mal, il faut des conditions. Si il a cité, si la première, il a dit, il faut que tu aies la science nécessaire dans la chose que tu veux prescrire ou la chose que tu veux proscrire. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran, par exemple, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Pourquoi? Car l'ouïe, la vue et le cœur, les pensées, etc. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé demain quand on va mourir. Donc, Allah Ta'ala dit, ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc, si tu veux prescrire le bien et proscrire le mal, il faut d'abord que tu aies une connaissance, hein, que tu connaisses que cette chose, yani, que tu vas proscrire, est vraiment quelque chose de nuisible. Ou que cette chose à laquelle tu vas exhorter les gens à suivre, qu'elle soit vraiment, qu'Allah Ta'ala a dit ou là son prophète, que vraiment, yani, elle était recommandée à suivre. Mouhim, il a dit, « فَلَوْ رَأَ شَخْصًا يَفْعَلُ شَيْئًا الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِنْهَاهُ أَنْ يَنْهَاهُ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامُ مَنْ يَعْنُهُ. Il a dit, par exemple, tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, yani, dont la base c'est quoi? La base c'est que toute chose est permise. C'est quoi? C'est comme ça dans la dunya. Dans les adorations, la base, toute chose est interdite. Jusqu'à preuve du délit. Jusqu'à preuve du contraire. Mais dans la dunya, toute chose est quoi? Toute chose est permise. Jusqu'à preuve du contraire. Donc il a dit, tu vois quelqu'un faire une chose dans la dunya. Il a dit, tu n'as pas le droit de lui dire c'est interdit. Jusqu'à ce que tu aies un délil. Tu as un délil qui dise que cette chose qu'il est en train de faire est interdite. Naam. C'est-à-dire, وَلَوْ رَأَ شَخْصًا تَرَكَ شَيْئًا يَظُنُّهُ الرَّأِي عِبَادًا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّعَبُّدِ بِإِحْتِيَاءٍ عَلَى مَنَّ الشَّرْعُ أَمَرَ بِهِ. Il a dit, si tu vois quelqu'un qui n'est pas en train de faire une chose, qui ne fait pas une chose, qui toi, tu crois que c'est une adoration. Il a dit, tu n'as pas le droit de lui dire, va faire cette adoration, jusqu'à ce que tu crois, tu sois sûr que ça soit vraiment une adoration. Il faut que tu aies un délit, que cette chose soit une adoration. Non. Moi, si on me disait citer un délit ici, je vais citer un délit très simple, très simple. Je ne sais pas si je l'ai cité dans les règles de la prédication ou pas, mais c'est un exemple qui revient beaucoup. Par exemple, quand tu es à la mosquée, une fois que tu rentres à la mosquée, tu t'adosses par exemple contre le mur et tu, par exemple, comment on dit, tu yani tes pieds, tu mets une jambe sur l'autre et tu les mets droit, par exemple, vers la Qibla. Il est possible que quelqu'un vienne et te dise, Tarillah, pourquoi tu as mis tes jambes comme ça contre la Qibla? C'est un exemple. Mais si tu demandais à cette personne, quel est, allonger ses pieds, Baraklavé, si tu demandes à une personne, quel est le délit qui empêche d'allonger ses pieds vers la Qibla? Il ne va pas trouver. Donc tu vois comment il veut t'exhorter au bien, te prescrire le mal, son délit. Comme ça, des choses, sa tête. Pourquoi? Il s'est basé sur ses sentiments. Il a dit la Qibla, la Kaaba, c'est Allah, c'est ceci, c'est les anges. Donc il ne faut pas allonger ses pieds vers la Qibla. Et pire encore, sur quelque chose qui n'existe pas, comme certains. Il te dit pourquoi tu allonges les pieds? Tu lui dis pourquoi? Par exemple, c'est interdit. Il te dit ne sais-tu pas que le messager d'Allah a allongé une fois ses pieds vers la Qibla et est rentré Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Alors, quand il a vu le messager d'Allah allongé vers la Qibla, il a levé l'épée, le sabre, vers le haut, vers le ciel, et lui a dit Ya Rasulallah, ou bien tu enlèves tes pieds, ou bien je les coupe maintenant. Allahu Akbar. Allahu, regardez yani, l'ignorance qu'elle fait. Regardez l'ignorance qu'elle fait. Omar ibn Khattab prend le sabre et dit au messager là, je vais te couper tes jambes maintenant. Regardez yani, le djihad, ce qu'il fait. Subhanallah l'adhim. Pourquoi Omar ibn Khattab ne fera pas cette chose? Parce que il sait que le messager d'Allah, alayhi sallam, s'il fait une chose, il l'a fait avec science. Il l'a fait avec djihad. Non, avec science, il ne l'a fait pas avec djihad. Donc, comme moi, le message là, je vais lui montrer le din. Je vais lui dire pourquoi tu mets tes pieds vers la Qibla, c'est interdit. Subhanallah. Al-Muhim. La première condition, il faut que tu sois sûr que cette chose, si tu veux l'interdire, ne l'interdis pas parce que toi, elle ne te plaît pas. Ne l'interdis pas parce que toi, tu la trouves qu'elle ne te convient pas. Et le contraire, ne demande pas aux gens de la faire parce que toi, elle te plaît cette chose ou elle convient ton goût. Mais demande aux gens de la faire si Allah Ta'ala a demandé à la faire ou le message là a demandé à la faire. La deuxième condition, il a dit أن يعلم بحال المأمور هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا فلو رأى شخص يشك هل هو مكلف أم لا لا يأمره بما لا يأمره بِمَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ مِتْلُهُ حَتَّى يَسْتَفْسِلُ. Il a dit, par exemple, la deuxième condition, la personne à laquelle tu veux dire, fais cette chose ou ne la fais pas. Il faut d'abord que tu sois sûr que cette personne, yani, c'est une personne à laquelle on peut dire des choses. Parce que c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui n'est pas pubère. Quelqu'un qui n'est pas pubère, quelqu'un qui n'est pas pubère, tu peux lui commander des choses, mais pas l'ordonner à faire. Non. Ou bien, par exemple, c'est un fou. Un fou, on ne peut pas lui ordonner de faire une chose ou bien de délaisser une chose. Il faut que tu sois sûr que cette personne, hein, y remplisse les conditions. J'ai donc de quelqu'un qui est en train de manger pendant le Ramadan. Non. Avant de prendre une barre de fer et de le frapper parce qu'il mange pendant le jour, pendant le Ramadan, je dois être sûr que ce n'est pas qui, que ce n'est pas un fou. Peut-être celui qui est en train de manger, c'est un fou. Le fou, il mange. C'est pas interdit pour le fou de manger. Ensuite, si on me dit que c'est pas un fou, ce n'est pas encore permis. Il faut que je vois que je sois sûr que ce n'est pas un voyageur. Car le voyageur, il n'est pas obligé de faire le ramadan. Il peut manger. Naam, il a fait la faute de manger devant tout le monde. Il aurait dû manger en cachette. Aller dans un jardin et manger en cachette. Celui-là, il a mangé devant tout le monde comme ça. Il a fait une faute. Mais j'ai fait une faute plus grande que lui si je vais le frapper sans demander si c'est qui, si c'est un voyageur ou pas. Et même si c'est un voyageur, c'est pas un voyageur, je n'ai pas le droit de le frapper. Je n'ai pas le droit. Qui suis-je? C'est le policier qui vient le frapper, pas moi, en islam. Troisième condition. Non. Il faut qu'il soit sûr que cette personne que je vois, à laquelle je veux ordonner, yani, ou bien proscrire, il faut que je sois sûr que vraiment elle a fait la chose, le haram, ou bien vraiment elle a délaissé l'obligatoire. Et si je ne suis pas sûr, je n'avance pas. Il va donner un exemple. Il a dit par exemple, tu es dans la mosquée. Ensuite, tu vois quelqu'un, yani, qui est rentré, qui s'est assis, qui s'est assis. Et ensuite, tu as des doutes. Tu dis, je ne sais pas si la personne a fait, yani, les deux rak'at, tahiyat al-masjid, ou bien elle n'a pas fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu la personne rentrer directement de la porte. Mais la personne était derrière toi, derrière un pilier. Ensuite, tu l'as vu comme ça venir vers toi et elle s'est assise. Tu ne sais pas si elle est rentrée directement de la porte ou elle était assise à l'intérieur de la mosquée. Donc, est-ce que cette personne, tu vas lui dire, écoute, lève-toi et fais tahiyat al-masjid? Tu vas lui dire, tu vas pas lui dire. Si tu veux lui dire, tu lui demandes gentiment. Smahli barakallahu, je voudrais te poser une question, hein, mais j'espère que je vais pas, je vais pas te gêner. Est-ce que tu viens juste de rentrer ou là tu étais assis à l'intérieur? Parce que si tu viens juste de rentrer, il faut faire tes rythmes. Comme ça, mais c'est possible. Mais, sans être sûr, tu lui dis directement, hé, hey, toi là-bas, pourquoi tu t'es assis? Espèce de, hein? Espèce de, je ne sais pas quoi. Tu t'es assis, hein? Tu sais pas qu'il y a tahiyat al-masjid. Attends que je t'attrape, toi là-bas. Allez, allez, non. Allez, l'islam, yani, se désavoue de celui qui parle comme ça et de celui qui fait comme ça. La preuve, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un rentrer dans la mosquée et s'asseoir directement. Il était sur le minbar, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a coupé le prêche. C'est pas yani, être sur le minbar, c'est pas facile de couper yani, le prêche. Et il a dit à cette personne qui s'est assise, il lui a dit, tu as fait deux rak'at avant de t'asseoir? L'autre il a dit, non, ya Rasulallah. Il lui a dit, alors lève-toi et fais deux rak'at et fais inshallah ta'ala un peu rapidement. Non. Donc, voyez le message de la Rasulallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pas dit, toi là-bas, pourquoi tu t'es assis sans faire deux rak'at? Il lui a demandé, est-ce que tu as fait deux rak'at? Il a dit non. Il a dit alors lève-toi et fais deux rak'at. Vous voyez la hikma, la sagesse. Et la hikma, la sagesse. Et on prend quoi de ce qu'a fait le messager de la Rasulallah ici? On prend que faire deux rak'at, c'est une chose de très important. Car le messager de la Rasulallah ne va pas couper le prêche du vendredi pour dire quelque chose qui n'a pas d'importance. Si on coupe le prêche, c'est que quelque chose d'important s'est passé. C'est pourquoi il a coupé le prêche pour lui dire que Tahiyat al-Masjid, il faudrait la faire et ne pas la délaisser. Il a cité quatrième condition. Quatrième condition, il a dit, quatrième condition pour prescrire le bien, prescrire le mal, il faudrait que tu aies quoi? Il faudrait que tu aies la puissance de le faire. Naam. J'ai cité une fois quoi? Que Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu avait dit quoi? Il avait dit que, naam, il a dit tu prescris le bien, tu prescris le mal si tu le peux. Il a dit mais si quelqu'un va te prendre un bâton ou là, une épée ou là, et va la lever comme ça vers le haut, il va te dire si tu mords dans le bien, tu me prescris le mal ou là, je vais te couper la tête. Éloigne-toi de moi, laisse-moi tranquille. Maintenant, si après qu'il t'ait dit cela, tu veux prescrire le bien et prescrire le mal, c'est que tu cherches à mourir. C'est que vraiment tu es quelqu'un de malade ou de fou qui cherche à mourir. Car il t'a déjà averti, il t'a dit, donc là, tu n'as plus la puissance. Tu n'as plus. Naam. Et ici, c'est que, il y a des compagnons, lorsque le messager de Allah était à la Mecque, il le voyait, il y a ce que les kuffars lui faisaient comme mal, et il ne pouvait rien faire. Il regardait seulement, naam, et il y a en pleurant dans leur cœur, naam, avec un cœur vraiment déchiré, très triste, de voir le messager d'Allah, comment les kuffars allaient dans les ordures et ramener des choses pleines de souillures, de bestiaux, et les abats, etc., et les lui mettait sur son cou, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu peux rien faire. Tu as la puissance pour aller l'aider, tu ne peux pas. Donc, il patientait et demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une solution. Et la cinquième condition, il a dit, à condition, la cinquième condition, il a dit, à condition que si tu vas prescrire le bien et proscrire le mal, à condition que, surtout, surtout, si tu vas proscrire le mal, à condition que tu ne vas pas enlever un mal et revenir avec un mal plus grand. Car le but, c'est d'enlever un mal et mettre un bien à sa place. Et non pas enlever un mal et faire venir un mal qui est plus grand. Dans ce cas, Yanni, si tu nous avais laissé avec le mal qui était moindre, ça aurait été mieux. Tu nous as enlevé un moindre mal et tu nous as ramené un mal qui est plus grand. Naam. Il a dit, pourquoi? Il a dit, car les savants disent que quand on proscrit un mal, quand on condamne un blâmable, il y a quatre situations. La première, alhamdoulilah, on a enlevé le blâmable. Il y avait un mal, on l'a proscrit, on l'a interdit. Alhamdoulilah, le mal s'est enlevé. Deuxième condition, le mal, naam, ne s'enlève pas carrément, mais yani, il a été réduit. Il a été réduit. Troisième condition, le mal s'est enlevé, mais il y a eu un mal similaire, exactement comme lui, du même niveau, qui a été mis à sa place. Quatrième situation, j'enlève un mal et je le remplace par un mal plus grand que lui. Il a dit, dans la première situation et la deuxième situation, proscrire le mal est obligatoire. Dans la première situation, qui est quoi? Qui est, je proscris le mal, il s'enlève complètement. Et la deuxième condition, situation à point, je proscris le mal, il ne s'enlève pas complètement, mais il est réduit. Il a dit, dans ces deux cas, il est obligatoire de proscrire le mal. Quant à la troisième situation, troisième cas, j'enlève le mal, mais il y a un mal équivalent qui vient à sa place. Il a dit, Hada mahallu nadar. Il a dit ça demande des efforts. Je ne dis ni c'est permis de le faire, ni je dis c'est interdit. Il a dit, je me tais. Il a dit, ça demande des efforts. Quant à la quatrième situation où tu vas enlever un mal pour que vienne un mal plus grand, il a dit dans ce cas, c'est interdit. Dans ce cas, c'est interdit. Il a donné l'exemple de Mithal ou Zalika. Ida arada en ya'mura shakhsan bi fi'li ihsan. Il a dit, c'est comme si tu voulais par exemple demander à une personne de faire quelque chose de bien. Lakin yastalzimu fi'l hadhihi ihsan an la yusalli ma'a al-jama'a. Mais yani, ça va te demander quoi? De ne pas faire la prière avec le groupe, si tu es un homme. Il a dit, فهذا لا يجوز الأمر به المعروف. Dans ce cas, il a dit, ce n'est pas la peine de يعني prescrire le bien. نعم. لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب. Car, pourquoi? Car, ça va donner quoi? Ça va, يعني, c'est quoi le but? Le but, tu vas demander à cette personne de faire quelque chose de bien, quelque chose qui n'est pas obligé, juste quelque chose de bien, alors que tu vas lui faire passer quelque chose d'obligatoire qui est salat al-jama'a. Comprenez? Par exemple, il y a quelqu'un, je vois un exemple très simple. Par exemple, il y a quelqu'un, je vais lui dire, par exemple, si tu es allé là-bas, yani, par exemple, ouvrir le robinet pour telle et telle chose, c'est bien d'aller ouvrir le robinet pour que les bêtes boivent, etc. Ça, c'est, mashallah, c'est conseillé. Mais pas au détriment de salat al-jama'a. Mais si je vais aller ouvrir le robinet là-bas, salat al-jama'a va passer, elle va se terminer. Donc, j'ai fait quelque chose de seulement recommandé, j'ai délaissé quelque chose d'obligatoire. Quelque chose d'obligatoire. C'est pour cela que je disais et je dis, c'est pour cela que je disais et je dis, Al-Sunna al-Jama'a disent que, pourquoi ils disent qu'il ne faut, faut pas se rébeller contre le gouverneur tant qu'il est musulman. Pourquoi il ne faut pas se rébeller? Vous savez pourquoi? L'une des grandes conditions, l'une des grandes causes, Afwan, pourquoi? Parce que se rebeller contre un gouverneur musulman, parce que Yanni, il fait des munkar, il vole, il fait rentrer des gens en prison, il boit l'alcool, tout ça, c'est un munkar, c'est de grands munkar. C'est un grand mal, c'est un grand mal. Mais quand tu vas te rebeller, ce qui va se passer, yani, le mal qui va se passer dans cette rébellion, les résultats que va donner cette rébellion, sera beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, des 100 fois, 1000 fois plus grande que le mal que fait ce gouverneur. La rébellion, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que lui, le gouverneur, il ne va pas dire « Marhaban bek, tu me veux la guerre ?»« Marhaban bek, masha'Allah » Qu'est-ce qu'il va dire lui? Lui, il va commencer donc à ordonner à son armée de quoi? Yani de t'exterminer, c'est pas seulement de te faire la guerre. Et bien sûr, il va demander à l'aide, même s'il ne peut pas, et son armée ne suffit pas, il va demander à l'aide à tous les pays étrangers s'il pouvait. Et bien sûr, c'est toujours lui, dans tous les cas, presque tous les cas, qui te vaincra. Et conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers de gens, si ce n'est pas des millions, ont été tués. Des milliers de femmes ont été violées, des milliers d'or et d'argent ont été volés, parce que c'est l'anarchie. Quand il y a la guerre, c'est l'anarchie. Moi, le premier venu, je lui tranche la tête. Le premier appartement, je rentre là-bas et je vole. Toutes les femmes que je trouve, je fais ce que je veux. C'est la guerre. C'est la guerre. Chacun est libre. Il n'y a plus de loi. Donc, tu vois que si on avait laissé ce gouverneur prendre et voler, et boire de l'alcool, et fumer de la drogue, en fin de compte, il ne se serait fait du mal qu'à lui-même. Et même le mal qu'il fait aux gens, en faisant rentrer celui-là en prison, et en frappant le dos de celui-là, comparé au mal qu'il y a eu pendant la rébellion, wallahi, c'est minime. C'est minime, indallah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith de Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand... il parlait avec Hudayfa ibn al-Yaman, le long hadith, où à la fin Hudayfa ibn al-Yaman a dit à Rasulullah, et après yani, ce bien qui va venir, il y aura du char, il y aura du mal, et après ce mal, il y aura du bien. C'est à la fin quand le messager d'Allah a dit que il y aura du mal, il y aura du char, il y aura des gens qui ne vont pas suivre ma sunna, qui ne vont pas suivre ma guidance. Des gens, il a dit, yani, au corps, des cœurs de shayatin dans des corps d'êtres humains. L'autre il a dit, le compagnon a dit, alors ya Rasulallah, yani, qu'est-ce qu'on fait? Yani, comment je dois faire? Je vais combattre, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tasma' wa tuti'. Tasma', tu dois entendre ce que dit le gouverneur, et quoi? Et tuti', pour taire, il a dit, et lui obéir, il a dit, regardez, ça c'est le plus important ce qu'il a dit. Il a dit, wa in jalada dhahrak. Il a dit, même s'il a fouetté ton dos, wa akhadha malak, et il t'a pris tes biens. Allahu Akbar. Naam. On dit aux Ikhwan musulmans et aux Tekfiriyoun, qui disent, ouais, mais il a emprisonné nos frères, il a emprisonné nos femmes, mais il a fouetté X. Non, il a fouetté X. Écoute le hadith, il a dit, même s'il fouette ton dos, hadith dans Sahih Muslim, Bukhari Muslim, tu peux pas dire que c'est pas vrai. Il a dit, il a fouetté ton dos, il a dit, il t'a pris tes biens. Il t'a pris ta villa, il l'a donnée à son fils. Il t'a pris ton palais, il l'a donné à son cousin. Il t'a pris ta belle voiture. Il l'a donné à son frère. Malgré cela, il a dit, tu obéis, tu te tais. Pourquoi? Parce que si tu n'obéis pas, c'est quoi? C'est la rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est la fin du pays. La fin du pays, c'est l'Holocauste, c'est ce qui n'en finit pas. Et bien sûr, quand on est jeune, on a 20 ans, on a 25 ans, on est plein de jeunesse, plein de force, etc. On ne pense pas à ces choses. On dit, on s'en fout, moi, l'essentiel, c'est que hein, je sors dans la rue et m'aimniche. Non. Mais quand quelqu'un devient âgé, et quand quelqu'un, yani, a vu de ses yeux, ce n'est pas comme il a entendu. C'est comme a dit le messager de là. Il a dit, mais ça le khabar qu'elle mouaïna. Il a dit, quand tu entends, ce n'est pas comme tu vois. Vous, quand vous êtes en France, on vous dit, voilà ce qui s'est passé en Algérie pendant 10 ans. Là, vous dites, oui, ça, mais hein, c'est rien, c'est rien. Et si tu avais vu de tes propres yeux, tu comprendrais alors, comme a dit le messager d'Allah, des choses que celui qui a seulement entendu ne peut pas comprendre. Je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Une fois, pendant la décennie, là, il y a un des milliers d'exemples. Je suis sorti pour faire salat sobh. J'ai marché, marché, marché. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un corps allongé dans la rue sans la tête. Il n'y avait pas la tête. Ensuite, il n'y avait pas par où passer. J'ai mis mes pieds au-dessus de lui pour le passer, c'est-à-dire il n'y avait pas par où passer. Ensuite, dès que je me suis retourné, j'ai tourné la rue, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la tête de ce mort avec un ou deux chiens, je ne me rappelle pas, en train de la manger. Comme un ballon comme ça, j'ai vu le chien en train de manger les cheveux, etc., de la personne sur laquelle je suis passé en dessus, pour aller faire la salade sobre. Quand tu vois quelque chose comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et celui qui ne voit pas, ou celui qui en entend seulement parler, ou là, El-Mohim, El-Mohim. Celui qui veut le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà, c'est celui qui suit le chemin des salaf salih dans le din. Toutes les autres sectes ne seront heureuses ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est clair, parce qu'ils n'ont pas suivi le messager d'Allah. Ils n'ont pas suivi la sunna d'après la compréhension des plus prédécesseurs. Et dans cette vie aussi, ils ne seront pas heureux. Pourquoi? Ils ne sont pas sur le vrai chemin. Quelqu'un qui n'est pas sur le vrai chemin, hein, il sera confronté, hein, à des problèmes, à des choses qui n'ont pas d'issue. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de son messager. Il sera, devant des choses qui n'ont pas d'issue. Alors, s'il avait suivi le chemin d'Allah correctement et du messager, c'est un chemin qui te mènera, que tout le monde le veuille ou pas, qui te mènera vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui te fera sortir, de tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, bi'idna azza wa jal, car c'est Allah ta'ala qui a promis qu'il fera vivre le musulman une vie heureuse. Comme il a dit, la nuhiyyanahu hayatan tayyiba. On le fera vivre une vie heureuse, bi'idhnillahi ta'ala. Et il reste la sixième condition, il a dit, la sixième condition, quand quelqu'un prescrit le bien ou bien proscrit le mal, il faudrait qu'il commence par lui. Naam. Comme a dit Allah ta'ala, comme a dit Allah ta'ala, vous ordonnez le bien aux gens et vous vous oubliez vous-même, vous faites pas le bien, et là, si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit, mais, on dit, mais, Allah Ta'ala ne t'a pas interdit, ne t'a pas interdit d'exhorter les gens au bien si tu ne le fais pas. Il ne te l'a pas interdit. Mais il t'a dit, il faut le faire toi aussi. Ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, tu ne le prescris pas. Je vous ai donné l'exemple. Ça ne veut pas dire que si moi, je vais pas, je fais pas salat Doha, alors je ne vais pas dire aux gens, fais salat Doha. Alors pourquoi? Parce que moi, je ne fais pas salat Doha. Et moi, je ne jeûne pas lundi et jeudi. Donc, je ne dis pas aux gens, il faut jeûner lundi ou jeudi. Pourquoi? Parce que moi, je ne le fais pas. Comment je le dis aux gens? Non. Je dis aux gens et j'essaie de le faire. Faites salat Doha, faites-la. Ensuite, moi, je dois le faire. Je dis comment? Je dis aux gens, je ne fais pas. Ils font Inch'Allah ta'ala que je commence à faire salat Doha. C'est comme ça. Sinon, comme je vous ai dit une fois, sinon, personne, yani, ne va montrer le dîn. Car tout le monde a des choses qu'il ne fait pas. Non, sinon, je dis, donc, moi, je ne fais pas salat Doha, donc je ne la montre pas aux gens. L'autre, il ne jeûne pas lundi, jeudi, il ne montre pas aux gens. L'autre, il ne fait pas qiyam il ne va pas le dire aux gens. Et comme ça, alors les gens vont devenir ignorants et le dîn ne va pas être propagé à cause des gens qui ne le font pas. Non, je dis, on montre et on essaye, inshallah ta'ala, au maximum de faire ce que on montre aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Inshallah ta'ala, on se rencontre dans 5 ou 10 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Juste, inshallah ta'ala, le temps de manger et de revenir. Faites-nous des doigts pour que ça soit pas des aubergines, c'est tout. Salam alaikum wa rahmatullah.